cœur qui me donne l'envie de partir se voyager. Tu es le bout de ma carte, mon lien de famille. À toi seul, tu es.